Dieu m'a choisi parmi un océan de gens, m'attirant à côté de lui. Ses paroles vraies et douces réchauffèrent mon cœur, ses appels pressants m'éveillèrent de mon rêve. Sa voix familière, son visage si beau, n'ont pas changé depuis le début. Dans sa demeure, son doux amour je goûte, je m'approche, ne veux pas partir. Dieu est toujours à mon côté, il se sacrifie sans une plainte. Je rejette la corruption, je serai purifié, j'accompagnerai Dieu. Je titubais douloureusement, sa protection me guide jusqu'au bout. Avec ses paroles, je suis satisfait. Le temps fait changer, le monde évoluera. Rien ne peut séparer mon cœur de Dieu. Promesse de 1000 ans, un vœu inchangé, des cycles de vie, de mort, je reviens de son côté. Dieu est toujours à mon côté, il se sacrifie sans une plainte. Je rejette la corruption, je serai purifié, j'accompagnerai Dieu. Sème la vie dans mon cœur, ses mots me nourrissent, donnant épreuve raffinement. Les persécutions et souffrances rendent ma vie plus forte, des échecs me tempèrent. Dieu est toujours à mon côté, il se sacrifie sans. Je rejette la corruption, je serai purifié, j'accompagnerai Dieu. Pour toujours, Dieu est toujours à mon côté, il se sacrifie sans une plainte. Je rejette la corruption, je serai purifié, j'accompagnerai Dieu.